coucher à point d'un sommeil écourté. Thank you. Je me mets sur le clic. Ton son, j'aime bien ce son de guitare. Non, je me trompais. Télécaster 5 cordes. Pourquoi ? Il t'en manque une ? Ah, j'ai reconnu le petit son un peu claquant là. Moi j'en ai une aussi, Télécaster. Une corde en moins, c'est ça ? Et tu joues les accords normaux ? Thank you. Je t'écouterai dans mon plumard. Je suis fatigué ce soir. J'écouterai sur internet. Salut Arnaud. Bye. Je suis naze ce soir. Je viendrai t'écouter sur le lounge.